Section 59. Deuxième partie, chapitre 28. Emmanuel ne parla plus que de son enfant. Ce serait un garçon, on le nommerait Charles. Il voulut aller avec Charlotte au cimetière pour annoncer cette grande joie à monsieur de la Héraudière. « L'âme de ton père nous entendra, dit-il. Quelle joie c'eût été pour lui s'il avait pu te voir, pâle comme tu l'es, marchant à pas fléchissant, sous ces arbres maintenant si forts et si beaux. Mais les morts nous voient, et ils prennent part à nos bonheurs ou à nos chagrins. Comme il va être heureux !» Pour Charlotte, cette visite fut une cruelle expiation, tandis que pour Emmanuel, elle fut un triomphe. La pensée de son enfant lui fit faire ce que Charlotte avait été impuissante à obtenir par ses prières. Il renonça à écrire aux journaux. En effet, depuis qu'elle était sortie de chez le docteur Bergeresse, une de ses manies était d'écrire des lettres pour demander la suppression des maisons de santé. Pendant 2 ou 3 heures, tous les jours, il écrivait ses lettres et il les envoyait à tous les journaux. Bien que personne ne lui eût jamais répondu et qu'il n'eût jamais vu une de ses lettres imprimées, il ne se décourageait point. « Cela produira son effet plus tard, disait-il. C'est par la persévérance qu'on réussit. » En présence de cette joie, il y avait une question qui s'imposait à Charlotte. Comment avait-il admis cette paternité? Que croyait-il et pour quelle époque attendrait-il la naissance de cet enfant? Il lui était impossible de l'interroger à ce sujet, et elle restait livrée à ses craintes. Qu'arriverait-il si l'accouchement avait lieu avant le temps qu'il s'était lui-même fixé? La lumière ne se ferait-elle pas alors dans son esprit? Et, après ses espérances qu'il avait élevées si haut, la chute ne serait-elle pas mortelle pour lui? Ce qui rendait ses questions plus poignantes chaque jour, c'était de voir que chaque jour sa guérison s'accentuait. Assurément, le jour où, avec la raison complète, la mémoire lui serait revenue, il ne pourrait plus se tromper lui-même. Mais la mémoire lui reviendrait-elle? Se souviendrait-il de tout ce qui se serait passé pendant sa maladie? C'était ce que Charlotte ne savait pas, et ce qu'elle se demandait avec une terrible anxiété. Si malheureuse qu'elle fût d'être enceinte, elle ne faisait pas porter à son enfant le poids de sa faute, et par un sentiment de maternité tout naturel, elle eût voulu nourrir elle-même cet enfant. Mais sous l'impression de l'incertain, elle n'osa pas prendre cette résolution. Si après l'accouchement, il lui fallait mourir, elle voulait que son enfant pût vivre. Elle se décida donc à choisir une nourrice. En entendant pour la première fois parler de nourrice, Emmanuel fut très surpris. « Je suis trop nerveuse, dit Charlotte, trop fiévreuse. Et pourquoi es-tu fiévreuse ? » Que répondre ? Elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était amenée à mentir, elle se tut. Et ce fut seulement quand l'esprit d'Emmanuel se fut habitué à cette idée de nourrice qu'elle en reparla. Alors il se rendit. Bien souvent, il l'avait interrogée pour savoir quand elle croyait accoucher, et toujours elle avait évité de répondre avec précision, de sorte que c'était lui qui avait fixé ce moment à la fin de septembre. Mais elle accoucha au commencement de juillet. Lorsqu'il la vit prise des premières douleurs et qu'il ne lui fut pas possible de se tromper sur ce qui allait se passer, il laissa paraître une profonde stupéfaction. Et Charlotte, dont les souffrances physiques étaient éteintes par l'horrible angoisse qui l'étouffait, fut effrayée du regard qu'il attacha sur elle. Pendant plusieurs minutes, il ne la quitta pas des yeux, puis tout à coup il lui tourna le dos, mais au mouvement de son épaule et de son bras, elle comprit qu'il comptait sur ses doigts. Puis il compta une seconde fois, puis une troisième. Alors, revenant à elle, « Mais ce n'est pas possible, dit-il. Nous allons avoir un enfant qui ne vivra pas. » Lorsque le docteur Kefons, qu'on avait été chercher à Vannes, arriva, Charlotte était entrée dans la période des dernières douleurs. Mais, les yeux attachés sur Emmanuel, qui avait voulu rester près d'elle, elle ne poussait pas un cri. Des larmes coulaient seulement sur son visage bouleversé. « Criez donc !» dit le docteur Kefons. La nourrice était dans une pièce voisine, prête à recevoir l'enfant. Il fallut que le médecin se fâchât pour forcer Emmanuel à passer près d'elle au dernier moment. Un cri, un seul, annonça la fin de l'accouchement. Emmanuel courut à la porte. En même temps, le médecin parut tenant l'enfant dans ses deux mains. « Viable ! » s'écria Emmanuel. « Magnifique ! Il pèse au moins 4 kilogrammes !» Et donnant l'enfant à la nourrice, il rentra dans la chambre de Charlotte. Emmanuel était resté hésitant. Allait-il passer dans la chambre de sa femme? Allait-il voir l'enfant? Il se retourna vers la nourrice et longuement il regarda l'enfant. Doucement, il lui appuya la main sur la tête. Alors il revint vers sa femme. Elle était étendue sur un lit, prise d'un frisson qui faisait trembler le drap qui la couvrait. Lorsqu'elle le vit entrer, son frisson s'arrêta subitement, et la bouche ouverte, les yeux fixes, elle le regarda s'avancer vers son lit. Jamais, assurément, elle n'avait été si près de la mort. Il se pencha sur elle, et lui prenant la main, « Il a des cheveux, » dit-il, « son crâne est solide. »« Parbleu !» s'écria le docteur Kerfonce. Mais il n'eut pas plus tôt lâché cette exclamation qu'il comprit, à l'expression d'épouvante chez la femme et d'angoisse chez le mari, qu'il venait de se jeter à travers un drame qu'il ne connaissait point. « Oh, oh, des cheveux !» dit-il, en les examinant en dessous l'un après l'autre. « À peine un duvet. Quant au crâne, mon cher monsieur, je vous engage à ne pas appuyer trop fort dessus. Mais assez parlé, je vous prie. Madame a besoin de calme. » Puis, en menant Emmanuel, il lui recommanda la plus grande prudence. La secousse avait été rude. La malade avait besoin de repos. Une émotion trop forte pouvait la tuer. Charlotte voulut avoir son enfant près d'elle. Ainsi, elle pourrait voir comment Emmanuel le regardait. Tout d'abord, et pendant les premiers jours, il attacha sur lui des yeux inquiets qui révélaient un profond désordre dans son esprit. Évidemment, il se faisait en lui un travail mystérieux. Mais peu à peu, ses yeux s'adoucirent et l'expression d'angoisse des premiers jours se dissipa. Après une lutte entre le doute et la foi, c'était la foi qui l'avait emporté. Il croyait à sa paternité. En voyant ce résultat, une autre femme que Charlotte se fut peut-être rassurée. Désormais, il n'y avait plus rien à craindre. Mais pour elle, ce ne fut pas la fin de ses souffrances, ni de ses cruelles interrogations. Avait-elle le droit, même pour assurer la tranquillité et la santé de son mari, de lui imposer cet enfant ? Plutôt que de le tromper, plutôt que de lui voler sa tendresse, ne fallait-il pas avouer la vérité ? Encore et toujours les tourments de l'incertitude et du remords. Cependant, les choses reprirent leur marche régulière. Elle se releva, l'enfant se développa, et Emmanuel s'attacha à lui chaque jour davantage, et il en vint à le regarder longuement avec une expression de bonheur. Un jour, 2 mois après la naissance, il prévint Charlotte qu'il avait une grande nouvelle à lui annoncer. « Je viens d'écrire à Georges, dit-il, pour qu'il vienne nous voir. Nous voici en septembre. Nous profiterons de sa présence pour faire le baptême de Charles, car je veux qu'il soit notre parrain. Nous lui devons bien cela. »« Georges, parrain de son enfant ?» Elle ne répondit pas, mais le soir même, elle écrivit à Georges la lettre suivante. « Malgré la demande de mon mari, ne venez pas. Trouvez une raison solide pour refuser. Un voyage, ce que vous voudrez, mais ne venez pas. S'il vous reste dans le cœur un peu de pitié ou d'honneur, ne venez pas. » Malgré cette lettre, Georges annonça qu'il arriverait le 10 septembre. Emmanuel voulut que Charlotte vînt avec lui à Vannes, au-devant de Georges, et comme elle s'était fait une loi de ne le laisser jamais seul nulle part, elle ne put pas refuser. Alors recommença pour elle le supplice qu'elle avait déjà enduré à Paris, mais plus cruel encore cette fois, car elle eut à subir Georges, du matin au soir, dans une intimité étroite. Cependant, il y eut cela de bon, dans cette intimité à trois, qu'elle fut préservée par la présence continuelle de son mari contre toute entreprise de Georges. Malgré ses tentatives et ses efforts, les jours s'écoulèrent sans qu'il pût avoir avec elle l'entretien particulier qu'il cherchait par tous les moyens. À la fin, le dépit le prit, et il annonça qu'il était obligé de rentrer à Paris avant l'époque qu'il avait fixée pour son départ. Charlotte respira, elle se crut sauvée. Mais la veille précisément de ce départ, elle se trouva face à face avec Georges, au détour d'une allée. Ils étaient seuls, Emmanuel venant de s'éloigner du côté de la maison. Elle voulut reculer et retourner sur ses pas, mais il avança vivement et la retint par la main. Elle voulut se dégager, il lui serra le poignet, de manière à lui faire comprendre qu'il ne l'abandonnerait pas. Ils restèrent un moment, en face l'un de l'autre, se regardant. « N'aurez-vous pas pitié ? Dit-il enfin, et ne voudrez-vous pas voir ma souffrance ? Et vous, ne voyez-vous pas la mienne ? Vous avez votre enfant, tandis que moi, vous me séparez du mien. » « Ah, ne parlez pas ainsi, cet enfant ne sera jamais à vous. Vous entendez jamais. J'aimerais mieux tout dire à mon mari que de voir cet enfant dans vos bras. »« Ah, Charlotte, vous êtes implacable. Et vous, ne l'avez-vous pas été ? Rappelez-vous comment vous m'avez amenée dans vos bras. Si je ne peux pas me pardonner, je ne vous pardonnerai pas davantage. Si je me méprise, je vous méprise aussi. Ah, si vous avez lu dans mon cœur il y a un an, tâchez donc d'y lire maintenant. Lisez toute la haine, tout le mépris que j'ai pour vous, toute la tendresse que j'ai pour mon mari. Ne me parlez pas de votre mari, et n'oubliez jamais que si j'ai pu le faire sortir de la maison de santé du docteur Bergerès, je pus l'y faire replacer et l'y laisser mourir. Et c'est ce que je ferai, entendez-vous bien, si vous ne voulez pas reconnaître les droits que j'ai sur vous et ceux que j'ai sur cet enfant, sur mon enfant. À ce moment, ils entendirent un cri étouffé tout près d'eux et presque aussitôt la chute d'un corps sur la terre. Charlotte, épouvantée, regarda autour d'elle. L'allée dans laquelle ils se trouvaient était bordée par des herbes gigantesques, au feuillage épais et léger qu'on nomme des arundinaria et qui formaient là une sorte de salle de verdure. Par un sentier tournant, elle courut dans cette salle, suivie de Georges. Emmanuel était étendu sur le sol, tout de son long, sans connaissance. Fin de la section 59.